Case 3, compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants et répondez aux questions. Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez aller faire un tour au Luxembourg? Je ne suis pas vraiment pressée. Vous voulez bien? Qu'est-ce que Mireille propose à Robert? D'aller faire un tour au Luxembourg. Elle propose d'aller faire un tour au Luxembourg. 2. Mais dites-moi, si votre père est banquier, vous devez être riche. Que fait le père de Robert? Il est banquier. 3. Mon père est peut-être riche, mais pas moi. Je préfère être indépendant. Est-ce que le père de Robert donne beaucoup d'argent à son fils? Non, Robert préfère être indépendant. 4. Mais dites-moi, c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne à Paris? Non, pas encore. Robert connaît-il beaucoup de gens à Paris? Non, pas encore. 5. Madame Courtois? Mais ça c'est formidable, quelle coïncidence! Vous la connaissez? Si je la connais, bien sûr que je la connais. C'est ma marraine. Pourquoi Mireille dit-elle? Quelle coïncidence! Parce qu'elle connaît Madame Courtois. C'est sa marraine. 6. Madame, votre mère est médecin? Non. Madame, ma mère, comme je dis, n'est pas médecin. Elle est chef de service au ministère de la Santé. Que fait la mère de Mireille? Elle est chef de service au ministère de la Santé. 7. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais des études d'histoire de l'art. Et je fais du karaté le samedi matin. Quand Mireille fait-elle du karaté? Le samedi matin.